Ernest du Laurence de la Barre, La folle de Susigneau, récit des grèves. Tiré du recueil Fantôme breton, lu par Sabine pour audiocité.net, sous la licence Art Libre. Je retrouve dans mes esquisses de voyage le récit oublié d'une visite que je fis à Susigneau en octobre 1851. Voici cette simple relation, telle que je la crayonnais rapidement un soir sur les feuillets de mon album, au milieu des ruines du vieux château. À peine entrée dans la cour, j'ai remarqué une pauvre petite fille, de 12 à 14 ans peut-être, pâle, maigre, étrange, au regard atone, à l'air souffrant. Je me suis senti pris de pitié à sa vue. Elle paraissait suivre avec envie les évolutions des oiseaux de proie qui tournent sans cesse au-dessus des murs et des hautes cheminées. Après avoir examiné quelques moments ces majestueux débris qui ont résisté à la rage des démolisseurs modernes, j'ai eu, je l'avoue, tristesse et froid au cœur dans cette enceinte jadis princière, aujourd'hui désolée. L'enfant, je dirais la jolie enfant sans sa misère et sa pâleur, s'était approchée de moi et, me montrant les tours par un geste expressif, elle s'était lancée, vive comme un oiseau, pour escalader les ruines. Je l'ai suivie d'instinct, pour ainsi dire. Elle m'a entraînée aux passages les plus difficiles. Lorsque j'hésitais à avancer, elle poussait un cri pareil à celui d'une mouette. Puis, comme si elle en avait eu les ailes, d'un bond elle gravissait le faîte des tours lézardées. Enfin, la visite du donjon est achevée. Je rencontre dans la cour une femme inquiète qui cherche mon étrange cicérone. « C'est ma fille, me dit-elle. Elle vient tous les jours ici pour guider les voyageurs. Mais elle aime tant ces ruines qu'elle y monte seule, courant, glissant, s'accrochant aux pierres ébranlées. La chère petite, c'est son seul bonheur. Bonheur, hélas, qui causera sa mort si Dieu n'a pitié d'elle. Dieu protège tous les infortunés, dis-je à la pauvre femme. Mais que ne faites-vous comprendre le danger à votre enfant? Le danger, monsieur, elle ne saurait s'en faire une idée. Vous ne l'avez donc pas interrogée? Jannick est innocente, et la raison ne lui est jamais venue. Je la portais lorsque son père a fait naufrage. Son esprit s'en ressent. Que la volonté de Dieu soit faite. » Nous gardâmes le silence durant quelques minutes, et j'allais me disposer à quitter ces lieux quand la petite idiote s'écria en breton « Tillard Folez, la maison de la folle ». Voyant ma surprise, la veuve crut devoir m'expliquer les paroles de sa fille, qui avait déjà pris sa volée dans la direction de la grève. L'enfant veut aller au bord de la mer, du côté de la pointe qui fait face au plateau de la Recherche, où le navire de mon mari s'est perdu. J'y vais souvent avec elle. Elle ramasse des galets, et moi je puis du moins y soulager ma peine en pleurant. Tout auprès se trouve la maison abandonnée. Mais pourquoi la nomme-t-on la maison de la folle? Ah, monsieur, c'est une triste histoire, je vous assure. Pourtant, si vous le désirez, je puis vous la raconter. Cela fait tant de bien de voir des personnes qui compatissent aux peines du pauvre monde. Nous suivîmes de loin les pas de Jannick, que nous perdîmes bientôt de vue au milieu des rochers de la côte et de la brume des vagues. Alors, nous nous assîmes sur une dune élevée. Devant nous, la mer soulevait de longues houles, sous une brise assez forte mais sans courroux. Le soleil qui descendait sur la mer, du côté de Quiberon, donnait aux vagues des teintes changeantes d'or, d'émeraude et de pourpre. Puis, en nous retournant, nous pouvions apercevoir de cet endroit les sombres ruines de Susigneau. La mère de Jannick reprit ainsi la parole. « Je suis veuve, je vous l'ai dit, monsieur, d'un capitaine de navire naufragé, là en face de nous, il y a 13 ans passés depuis le Vendredi Saint. Nous avions un peu d'aisance et une petite métairie, que Jean Kéven, mon mari, vendit pour faire construire un joli brick goélette de 100 tonneaux. Je me souviendrai toute ma vie du jour de son premier appareillage dans le port de Vannes. J'étais jeune et heureuse alors. Mariée depuis 2 ans, je n'avais eu que des joies dans la vie. Hélas, Dieu m'en réservait les épreuves. Pour mon salut sans doute, et je ne murmure pas. J'étais jeune et parée de mes habits de noces. Jean, le nouveau capitaine du Saint-Gildas, c'était le nom de notre brick, me conduisit à bord par une belle matinée de septembre et me nomma tous ses matelots par leur nom. Ce fut une vraie fête. Les marins chantaient et buvaient à nos santés, tandis que le navire, toute voile dehors, descendait par une faible brise de nord-est et traversait doucement les passages de Conlo, de l'île aux Moines et de Cardellan. Inquiète pourtant du long voyage qu'allait faire mon mari, je sentais la tristesse me gagner à mesure que le moment de la séparation approchait, et chaque fois que Jean me quittait pour donner quelques ordres, j'examinais les physionomies de ses compagnons de traversée. Tous me plurent, à l'exception du second. C'était pourtant un homme de notre pays, marié depuis peu à une fille d'Arzon, mon ami d'enfance. Il se nommait Claude Misan et pouvait avoir alors 30 ans, le même âge que mon mari. Sa femme, plus jeune de 6 ans, petite blonde, aux yeux bleu clair, au sourire doux et triste, enfin bonne et jolie comme un ange, portait le nom de Julie-Marie. Il me sembla que Misan avait le regard dur et faux. Je voulus, pour diminuer mon inquiétude, causer avec Jean du caractère de son second. Il me répondit en riant que Claude, avec son air sournois, était un bon garçon, qu'il avait la main ferme et que c'était une qualité précieuse à bord. Hélas, la chaloupe du passage d'Arzon parut alors au fond d'une anse voisine. Le bruit des rames était déjà plus fort que la voix de mon mari, qui essayait de me consoler et qui pleurait lui-même autant que moi. Le jusant de la mer commandait de faire route. Misan, ô mon Dieu, Misan, dont je lus toute la méchanceté dans un regard, fit remarquer cela à l'équipage et m'arracha presque des bras de mon mari. On m'entraîna dans la chaloupe, suffoquée de douleur et tout agitée de pressentiments. Je ne veux point vous parler de tous mes chagrins, ni de la longueur de mes jours d'attente, mais je dois vous dire combien j'eus de peine auprès de Julie-Marie. Elle demeurait, depuis son mariage, dans une maisonnette blanche nouvellement bâtie sur la pointe de Saint-Jacques, à une demi-lieue du village de Kerfontaine, où mon mari et moi nous habitions aussi depuis peu de temps. Si la brume ne commençait pas à couvrir la grève, nous pourrions apercevoir d'ici la maison en ruine de ces malheureux. Personne ne veut y demeurer aujourd'hui. Le souvenir de Misan est attaché à ce triste foyer comme une malédiction. Julie-Marie tomba bientôt malade. Était-ce la douleur causée par le départ de Claude? Était-ce l'inquiétude au sujet de leur situation de fortune que l'on disait embarrassée? Ou n'était-ce pas plutôt, hélas, je le crains davantage, d'amères pensées, des regrets peut-être relativement à son union avec Misan qui venait accabler cette faible créature? Malgré la position dans laquelle je me trouvais moi-même, je donnais tous mes soins à mon ami. J'essayais surtout de relever son courage. Je lui parlais de tout ce qu'elle aimait, de ses chères grèves du Morbihan, où nous avions tant couru toutes petites, où Jean Kéven nous dénichait des œufs de goéland, de l'île aux Moines, où restaient ses meilleurs amis, qu'elle reverrait sans tarder. Mes paroles semblaient lui faire du bien. Elle souriait et pleurait à la fois. Puis je croyais devoir lui parler de Claude, de Jean, du Saint-Gildas, du retour de nos marins. Ah, cette pensée si douce pour moi paraissait, j'ose à peine le dire, lui étreindre le cœur, contracter son sourire, tarir ses larmes. Pauvre créature, elle dépérissait à vue d'œil, et moi-même, bientôt, abattu par les rêves cruels ou des nuits sans sommeil, je ne trouvais plus de bonnes paroles pour consoler la malheureuse Julie. 3 mois s'étaient déjà presque écoulés depuis le départ du Saint-Gildas. Nous étions à la fin de décembre, et le retour du navire, après avoir touché aux Açores en revenant de Marseille, avait été annoncé pour les derniers jours d'octobre. La saison des tempêtes était venue, le soleil ne se montrait plus au-dessus de la mer. Le vent du large faisait rouler les vagues sur la pointe de Saint-Jacques avec un bruit dont les femmes de marins connaissent seules l'horreur. Quel hiver nous passâmes dans de telles transes! La mer fut affreuse pendant tout le mois de janvier. Je priais Dieu chaque nuit de garder mon mari loin de ses côtes couvertes d'écueils. En février, l'embellie de la mer parut s'annoncer un peu et me rendit espoir et courage. Puis, enfin, une lettre timbrée de Lisbonne me fut remise un soir. Je reconnus l'écriture de Jean. Il vivait, c'était assez, c'était trop de bonheur. Je ne pouvais lire à travers mes larmes. Je voulais courir chez Julie Misan, malgré la nuit qui rendait le chemin dangereux. J'arrivais pourtant à la Maison Blanche. J'embrassais Julie, que je n'avais pas vue depuis 4 ou 5 jours. je lui montrai la lettre. Elle détourna les yeux. Je lui lus, oui, je lus, pour ainsi dire, la preuve de l'existence de Claude et de Jean. Elle ne fit paraître aucune émotion, si ce n'est qu'elle devint plus triste tout à coup. Ne pouvant faire mieux, je communiquai les bonnes nouvelles à une vieille femme qui servait Julie, et je m'éloignai, partagé entre la joie, l'étonnement et la douleur. La lettre de mon mari m'informait qu'un coup de vent, suivi de fortes avaries, l'avait forcé de relâcher à Lisbonne, et que, du reste, le voyage était heureux, que tout allait bien, et qu'il espérait revenir au pays dans 3 ou 4 semaines. Je relus 100 fois la lettre de Jean, et je finis par y trouver je ne sais quelle vague tristesse. Les lignes où il était question de Claude me semblèrent surtout avoir été écrites sous l'impression de quelque peine secrète dont il ne voulait point parler. Mais le cœur d'une femme qui attend dans l'angoisse, pénètre, devine, pressent tout ce qui pourrait la séparer encore d'un époux absent et bien-aimé. Les 4 semaines s'écoulèrent, et le Saint-Gildas n'avait été signalé nulle part. J'étais presque folle d'anxiété. Chaque jour, je souffrais de plus en plus. Non, tant de peines ne peuvent se comprendre. J'abrège, car la nuit va bientôt venir et j'arrive au jour fatal. Je rentrais bien triste de l'office du Vendredi Saint. Le temps était en rapport avec mes sombres pensées. Mon âme brisée était comme pleine de l'agonie du Sauveur. Un voile de deuil couvrait la mer. Le vent pleurait sur la falaise et les vagues grossissaient de minute en minute. Tout annonçait une grande tempête. Je me dirigeais vers la maison de Julie lorsqu'un matelot revenant de la pointe me dit que l'on signalait, par le travers du plateau de la Recherche, un navire qui paraissait déjà s'affaler à la côte, que c'était un grand brick de plus de 150 tonneaux, qu'il avait l'air de gouverner encore un peu, mais que si le vent ne mollissait pas, il serait jeté sur les brisants bien avant la nuit, sans qu'il fût possible de lui porter secours. « C'est le Saint-Gildas, m'écriai-je. C'est Jean, c'est mon mari. Mon Dieu, ayez pitié de nous !» Le matelot, voyant mon état de souffrance, essaya de m'empêcher d'aller plus loin, en m'assurant que ce ne pouvait être le Saint-Gildas. Je ne le croyais pas. J'aurais voulu courir, et je n'avançais qu'avec beaucoup de peine sur le sable. Le marin me suivait et m'aidait parfois à lutter contre la pluie et l'ouragan. Il était près de 3 heures quand nous arrivâmes à la pointe, où quelques pêcheurs nous avaient précédés. À mon arrivée, ils firent silence, et lorsqu'après avoir jeté les yeux sur la mer, je m'écriai « C'est le Saint-Gildas, je le reconnais. Est-il en perdition? Répondez-moi, pour l'amour de Dieu !» Personne n'osa mentir pour me rassurer. « Que vous dire, monsieur, pour achever ce tableau de ma douleur ?» Pendant 2 heures, j'assistais à la lutte du Saint-Gildas contre une mer affreuse, tantôt l'apercevant, tantôt le croyant englouti, puis le voyant se relever, sans voile, sans mât. 2 fois, les matelots, excités par mes cris, avaient mis à flot les embarcations. Les lames les avaient brisées, il ne restait plus d'espoir. Ô Seigneur, quelle épreuve! Vous ne voulûtes pas me la faire subir tout entière. Un coup de vent me renversa, et l'on m'emporta sans connaissance. 3 jours après, ma petite Jannick vint au monde, et je demeurai 2 semaines entre la vie et la mort. Au bout de ce temps, je connus toute l'étendue de mes malheurs. Le Saint-Gildas avait péri, corps et bien, sauf un seul homme. Jean, sur le point de se sauver à la nage, avait disparu tout à coup auprès des grands rochers de la pointe, et celui qui se sauva fut le second du navire, Claude Misan. Hélas, l'histoire de Claude et de Julie est plus triste encore que la nôtre. Ils sont morts tous les deux, lui soupçonné, méprisé, accablé de remords, elle, folle. Et moi, du moins, je vis pour ma fille. J'ai conservé la résignation et je puis prier pour eux. Le retour de Claude ne parut pas diminuer, comme on devait l'espérer, l'étrange faiblesse de corps et d'esprit de sa pauvre femme. Cependant, elle me voyait encore avec plaisir, et les pleurs que nous répandions ensemble calmaient ses peines secrètes et les miennes. Mais peu à peu, mes visites auprès de Julie durent être plus rares, à mon grand regret. Misan, que troublait ma présence, finit par me faire comprendre que ma vue lui était insupportable. Ce fut surtout un an après le naufrage que tout devint extraordinaire dans la Maison Blanche. La perte du Saint-Gildas m'avait réduite à la misère. Je n'avais, et je n'ai pour vivre, qu'un modique secours de la caisse de la marine. Misan, au contraire, acheta quelques terres autour de sa maison. Il était relativement riche et l'on prétendait, dois-je le répéter, qu'il avait dû trouver un trésor dans la cabine du Saint-Gildas. Du vivant de ce misérable, je n'en sus, je n'en voulus jamais savoir davantage. Il devenait sauvage, sombre, maladif. Sa maison était fermée à tout le monde, fermée à moi-même. On disait que la nuit, des cris, des gémissements lugubres s'en échappaient bien souvent. J'avais la mort dans l'âme en songeant à Julie, et je ne reprenais courage qu'aux caresses de ma petite fille, si délicate, si faible, que j'osais à peine la presser sur mon sein. Tout à coup, j'appris que Misan venait de mourir. Sa mort, je l'avoue, ne me causa ni surprise ni chagrin. Je sentais d'instinct qu'il était l'auteur de ma ruine, et ce ne fut pas sans peine que je retournai à sa demeure pour assister sa veuve infortunée. Oh ! Pourquoi Dieu me permit-il de franchir ce seuil de désolation ? J'aurais versé toute ma vie des larmes moins amères, et le souvenir des derniers moments de mon mari eût été moins déchirant pour mon cœur. Je me rendis seule un soir à la maison de Julie. Dieu, dans quel état je la retrouvais ! Elle était assise sur sa couche. La vieille femme dont j'ai parlé, Catherine, filait dans un coin obscur. La malade, pâle et amaigrie, murmurait, joignait les mains, priait et gémissait tour à tour. Elle ne me reconnut pas sans doute, car s'adressant à des ombres invisibles et au milieu des discours les plus incohérents, elle disait « Claude, Claude, rends-lui son argent !» Puis elle ajoutait en se débattant « À moi, Claude, sauve ton capitaine, à moi, je vais périr !» La vieille femme vint auprès du lit pour arranger ses couvertures et supplia Julie de garder le silence. « Elle est tout à fait folle à présent, je le crains, » me dit Catherine. « Mais cela ne peut durer longtemps dans l'état où elle se trouve. Ses accès ont commencé presque subitement, la veille de la mort de son mari. Il était au plus mal, alors j'ai entendu l'homme appeler doucement, par son nom, la pauvre créature qui grelottait auprès du foyer. Cela m'a bien étonnée, car il ne pouvait guère la souffrir depuis son retour. Elle a eu de la peine à se rendre auprès de lui, et Claude s'est mise à parler tout bas. Tout d'un coup, Jésus, Julie a poussé un grand cri et elle est tombée à la renverse. Je l'ai portée dans son lit de l'autre côté. Et depuis, elle divague à faire trembler. Ah, quelles angoisses je ressentais à de tels récits. Les plaintes de Marie-Julie me navraient. Ses paroles étranges et revenant toujours à la même idée me faisaient frémir, tant je redoutais d'en saisir le sens mystérieux. Une autre fois, comme sa gardienne venait de sortir, Julie, sans me reconnaître, s'écria en me voyant approcher. « Je sais tout. Claude me l'a révélé avant de mourir. Je vais te le confier, Catherine. Tu ne me trahiras pas. Et puis, je compte lui rendre son argent. Le Saint-Gildas, tu sais bien, s'est perdu le jour du Vendredi Saint. Claude et Jean se sont jetés à la mer pour se sauver. Mais le capitaine... » À ces mots, j'essayais d'interrompre cette confidence qui ne me promettait que d'affreuses révélations. Ce fut en vain. Ma malheureuse amie me tenait le bras fortement serré, et je ne pus ni m'éloigner ni la réduire au silence. Elle continuait ainsi. Le capitaine avait attaché autour de ses reins une ceinture pleine d'or et d'argent, dont le poids le fatiguait beaucoup. Alors, se sentant couler à fond, il dit à Claude « À moi, je vais périr. Tiens, prends ma ceinture, sauve ton capitaine. » Oh, Claude a été bien coupable. Ensuite, je ne me souviens plus. Je souffre encore davantage. Rends-lui son argent, Catherine. Laisse-moi en repos. » Ainsi ont été dissipés les doutes que je conservais encore. J'ai tout appris, du moins je l'espère. Et Dieu veuille que Misan, s'il était en état de sauver son patron, ne lui ait pas refusé son aide au dernier moment. Oh non, non, son crime est assez grand, sans y ajouter. Seigneur, faites-lui miséricorde. Un mois plus tard à peine, la pauvre Julie est trépassée entre mes bras. À son dernier soupir, on eût dit que sa piété lui rendait quelque raison, car elle répétait attentivement les prières du prêtre qui l'assistait. Pourtant, elle délirait de temps à autre et murmurait tout bas à mon oreille. « Rends-lui son argent, Claude, rends-lui son argent. » Notre argent, que m'importe. Il est passé dans les mains de leurs héritiers. À qu'ils le gardent, ce fatal argent, puisqu'ils ne sauraient me rendre mon mari. La veuve du capitaine a cessé de parler pour essuyer ses larmes. Puis, voyant revenir l'innocente Jannick, les mains pleines de coquillages et presque joyeuse malgré son air de mélancolie, elle est allée au-devant de la petite fille et s'est éloignée rapidement du côté des ruines du vieux château. Côte à Roc, le 8 août 1870.